Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello everyone and welcome to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Romain and neither Freddy nor Adrien are here tonight, but I have my favorite special guest. My very own daughter, Chloe. Hi. And she and I actually prepared the playlist today. So, so Freddy is still in Paris. He will return later this week. So he will be in the studio next week. I have just returned actually from France and Morocco on Friday, and Adrien is somewhere up north. So, but today is a live show. It's not a pre-recorded one. So we, Chloe and I, actually made the playlist. She chose a bunch of songs. Mm-hmm. I did too. Mm-hmm. And actually, it's a coincidence, but one of the songs she had picked is from Françoise Hardy. And actually, we found out 2 hours ago that she just passed away at the age of 80. She was an icon of the 60s, and her career lasted until, well, recently. And so I remade the playlist. Well, I kind of changed it a little bit just like an hour ago before we left to include three songs as a tribute. So two songs in addition to Le Temps de l'amour that Chloé had picked. So we are going to start with which one did I pick first? Message personnel. Then it's going to be a duet that she did with Marc Lavoine. The duet is Cher Ami. And then we're going to listen to Le Temps de l'amour that Chloé had picked. And then we'll talk a little bit about why we chose the songs that we chose for tonight's playlist. All right. Okay. So hopefully it's going to work because I'm using a new player. So we'll see. And so we're going to start with Françoise Hardy. Well, apparently it's not working. So we're going to try and find a way to make it work. All right. So Chloé, do you want to talk briefly about the playlist and what... why you chose the songs that you chose? So I guess I chose some songs that I'd recently discovered that I really liked or I thought felt like summer, and then also some new music releases that came out recently that also feel like summer. So I think there's a mix of newer music and then some older songs, like the Françoise Hardy ones are slightly older. So yeah, there's a bit of everything. Hopefully a little bit of everything for everyone. So yeah. Okay. Well, I'm just trying to figure out what's wrong with this. So I also chose some songs that will that reminded me of certain, you know, summer vacations. And we also picked, you know, songs that are supposed to be hits this summer. Mm-hmm. So it's a very summery show, even though the songs are not about summer. So most of them are pretty upbeat, though, or feel summery in some way. So, all right, let's try and see what we're trying to do here. I don't really know what's going on. I'm sorry. I don't like when that happens. But we'll see. Let's see if that works now. Crossing our fingers over here. I don't hear anything here. Maybe it's a problem with the sound on the machine. Let's see. No, it sounds seems to be all right, and we don't hear anything. Okay. Mm. Well, that's too bad. Let's see. I really don't know what's going on. So, well, Chloe, sing us a song. What? No. No. All right. So we have to be, let's see if I did, because there are a lot of things that are open right now, and I don't really know what's going on. Did you say it's a brand new player? Well, it's a player that I've not used in a long time, and I'm just wondering why it's not working. Because usually this works. I don't, I don't think that will be, that's not the right one either. Okay, so we need to figure out what's going on. We have this on, we have this on, and this one is on as well. So, well, that's the magic of technology, and you see what's going on in the, how magic is done. Or how magic happens. And in this case, nothing is really happening. And so you know that this is live. Yes, yes, it is. So I really don't know what's going on. I'm sorry about that. I don't like it when that happens. Let's see if I can figure something else out. And in the meantime, maybe we can talk about summer plans or something while we wait. Yes. So what are your summer plans, Chloe? So thank you for asking. This summer, I am working. I work with a small business called Panache. Actually, Panache, they're friends of Bonjour Minnesota. They yes. always donate. And basically what it is it's apple juice. Not from concentrate, no added sugar, that is infused with different ingredients. So we have a turmeric, ginger, sour cherry, and aronia berry. So I sell those at farmers markets. We do St. Paul Lower Town. We also do the Centennial Lakes in Edina. And then we're also at the Aurora Games, which is our female soccer team, at the TCO Stadium in Viking Lake, I think it's called, which is really cool. And that and a lot of reading. So those are my summer plans. No travels this year. Papa probably very similar because. Mm-hmm. So, yeah. Well, yes. And I'm still trying to figure out what's going on. I will need to call someone, I guess, because I really don't know what's going on. The sound is not coming out from anything, and there are a lot of lights which are not supposed to be here. At least I can hear myself, which is a good thing. But in terms of music, nothing. So let's try again one last time, and then we'll have to figure out what's going on for real. Could you call Freddy, or is he no. not really possible? There's something wrong with the player. I'm going to try something else. Bear with me. Maybe that's what's going on. Let's see. Nope. I can't hear anything. While we're here, I guess I'll shout out my grandpa who's listening and my best friend Ava who's also listening. So hi. Okay. So, yeah, my grandpa. Go ahead. Those are the two people who I texted to tell them to listen to the show, pull it up. Lots of love to you too. So, yeah. Okay. Well, I'm still trying to figure out what's going on. I'm really sorry that it's happening live, but there's no sound coming out of the computer. So I'm going to try something else. And in the meantime, I'm going to play one of our announcements. You're on the Beat Side with KFAI's Word Jazz Razzmatazz. Let's hear an open mind on the open mic. Cars go past, fast and slow. Cars are cars, they come and they go. Cars wear out like a bad bingo bango, hip bongo. KFAI will give it a tow. Cars get turned into cool radio, daddy-o. Yeah, I'm hip. Go to KFAI.org and turn your old buggy into something funky. Okay, well, we're still trying to figure out what's going on. Music on the Cortile at the Landmark Center in downtown St. Paul. Music on the Cortile presents live performances by talented local musicians, taking place over four Wednesday lunch hours this summer. All concerts are from noon until 1 p.m. Attendees are encouraged to bring their lunch and to enjoy the concert. Performing on Wednesday, June 26th, is Nolan Selwood, a young artist with an old soul and a newcomer to the Twin Cities music scene. His beautifully crafted singing and songwriting skills are captured on his debut album, Otherwise. More information for Music on the Cortile concert series can be found at the Landmark Center website. Visit www.landmarkcenter.org. Okay, so we are back and we are still struggling to figure out what's going on. Chloe is trying to find other types of media, like CDs, in our library, because we have a lot of those songs that we're playing today. We have them in our media library, but we need to be able to get them. So in the meantime, I'm still trying to find a way to make this work. Why isn't this working? So, well, we can also talk a little bit about what's happened in France this past week. You might have heard of the European elections, and given the results of the elections, which are pretty bad for the current president, Macron, he decided to dissolve, that's the term you use, the National Assembly, which is the equivalent of the House of Representatives, and new legislative or general elections will be held in 3 weeks. So that's kind of a what you could call like some kind of an earthquake. So in Minneapolis, there will be a polling place like there was this past Saturday. And that will be, let's say, interesting. Let's see if I can figure out what's going on here. Maybe this could work. I don't know if that's going to work better, but we're going to try. No, still nothing. I have no idea what's going on. Okay, so we'll try and find something else that we can do. That might not be easy, but I'm trying to figure it out as I speak, of course. So this will be, this cannot be undone. Okay, so if I had brought a recorder or some kind of a flute, I could have played something for you, even though I don't really play those instruments. But I'm going to try maybe to play something from a different media, but I don't think, I don't know if it's going to work. Let's try this. Let's try this. Maybe here. I really don't know why this is not working. There's something a little bit weird going on. This will might not work. Okay, I will just, I'm going to play another announcement, and I'm going to run and try and get something. Sorry about that, but I really apologize for this. KFAI is proud to present Molly Brandt, Katie Tessman in the Turnbuckles, Emily Havoc, and the International Treasures at the Turf Club on Sunday, June 30th. Get ready for a night of local music celebrating the release of new music from Molly Brandt and Emily Havoc, a Treasure Trove Tour homecoming performance by Katie Tessman and the Turnbuckles, and a special guest appearance by the International Treasure. Tickets can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Okay, let's try this. That won't be Françoise Hardy, but we're going to try something. Is it French? Yes. Ooh. Surprise. I think this is the right one. I guess we'll see. Suspense. T'as vu, c'est le même serveur, peut-être on peut plus briser. T'as vu, c'est celui qui t'avait dit vous êtes si belle, madame, ça nous avait bien fait marrer. Tous les deux, on sait que tout va recommencer. Tous les deux on sait que tout va recommencer. Je dessine sur la nappe la maison où nos enfants grandiront. Le printemps sera avec nous, elle te plaît, notre grande maison. Tous les deux on sait que tout va recommencer. Tous les deux on sait que tout va recommencer. Paris était en beauté ce matin-là, souviens-toi, quand on s'est dit je t'aime pour la première fois. Tout était drôle, tout était gracieux, tout était beau. Même le gars sur son vélo qui balançait ses journaux. Musical. J'ai tant aimé. Je souffle sur ta menotte. Tu as les yeux fermés. J'embrasse ton front, qu'ils sentent bon. Tes cheveux mouillés. Tous les deux on sait que tout va recommencer. Paris aura le sourire, ses amants ne se cacheront plus. Le soleil crachera sa lumière blanche comme la barbe du cheval quand la ligne est en feu. Tu me dis que tu m'aimeras toujours, toujours, toujours, je t'aimerai. Tous les deux on sait que tout va recommencer. Paris était en beauté ce matin-là, souviens-toi. Quand on s'est dit je t'aime pour la première fois, tout était drôle, tout était gracieux, tout était beau. Même ce chien qui regardait son maître pisser sur son poteau. Hey, hey, musical! T'as vu, c'est le même serveur peut-être, on peut plus briser. Crayon à mine sur tes doigts de sang. Des oiseaux dans tes cheveux, comme des idées folles au gré des vents de Flandre. Maintenant de brume, à peine plus qu'une page blanche. Le loin de tes dunes, au fil des rues, soudain s'épanche. Oh, stand, j'attendrai la mer et les filles d'Angleterre. Oh, stand, j'irai prendre l'air, mais dis-moi comment faire. L'hiver navigue, pose des soleils de givre sur les bancs. Danse le chien sur la digue, remporte l'homme et son livre d'océan. Maintenant de brume, à peine plus qu'une page blanche. Le loin de tes dunes au fil des rues, soudain s'épanche. Oh, stand, j'attendrai la mer et les filles d'Angleterre. Oh, stand, j'attendrai la mer. Okay, we are back, and I think we, I was going to say we figured it out. We did not figure anything out, and it just worked again. So I don't know, I pushed a few buttons, and well, hopefully it's it will work for the rest of the night. So we listened to two songs that were not originally on the playlist. And it was Tout va recommencer by Kali, followed by Ostende by Didier Sustrac. And now we're going to listen to Message personnel by Françoise Hardy. Well, actually, I think I spoke a little too fast, and it's still not working, and I don't know why. So we're going to listen to another song from that same CD, which is Avec des jeux, avec des ya, de Elsa Kopf et Sina. Fujiyama, les îles Fiji et le yoga. Un jour de neige à Jakarta. Les javanaises et la java. Tim est déjà là, Jenny n'a pas peur du naja. Je vois au mur comme une effigie. Un contre-jour de nostalgie. Et je joue à ce petit jeu-là. Je joue en mangeant du soja. Et j'imagine qu'un raja. Un jour comme moi le choix, et qui s'arrogea avec tes jeux, avec tes chats, qui joue jusqu'à engager tous ses bijoux. J'en ai de jolis genoux. Je me vois déjà dans le jaune. J'attends l'amour et c'est le jour-ci. La vie est jeune et si jolie. Je chante le Fujiyama, les îles Fiji et le yoga. Les jours de neige de Jakarta, les javanaises de Java. Je chante pour toi avec des jeux, avec des jats. Et je me sens le cœur léger, le feu au jour.

s'en souvient. On s'en souvient. Et voilà, we are back on Bonjour Minnesota on KFI Radio with Romain and Chloé. Yes. Yes, and she's our special guest tonight. And from this last song, it's actually Chloé who picked the songs. I think like 13. So that mm-hmm. should keep us busy until probably the first half of the second hour, and then I also picked a few songs. So we listened to three songs by Françoise Hardy, who again passed away today. We found out probably about 2 hours before coming to the studio. So we listened to Message Personnel, a personal message, mm-hmm. followed by Cher Ami, Toutes Mes Excuses with Marc Lavoine, and Le Temps de l'Amour, which is really typical from the Yeah Yeah era. Yeah, I was just going to say it's very 60s. Like it feels very like, I don't know, airy, if you will. Yes, really. And that's, you know, like very bubbly and mm-hmm. light. And it's good. Very yeah. summery, very like beachy. Exactly. So we are going to continue with Chloé's playlist. And I'm just going to announce the songs, and or you can if you want to. So oh, sure. I will. So the first song we'll be listening to is Tomber sous le charme by Christophe Maé. Yeah. Second one is... To be charmed, basically. Yes. The second one is Impala. Impala. Mm-hmm. Okay, sorry. By Adèle Castillon and Video Club. Which is our band. Yes. We like Adèle Castillon. Yes, very much. We play her songs on a regular basis. Yeah, I think it's just her, though. I think Video Club was just put, I don't know why, but mm-hmm. like the guy who's in that group with her doesn't sing in this song. And then the third one is Au bord de la mer by Chilou, who my dad actually discovered and told me about, and again, very summary. So yeah. Okay, so we're gonna start with which one? Christophe May. Yes. Tomber sous yeah. le charme. Here we are. And I have to find it, and it's here. Au soleil, je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'étonner, car il faut que je te dise, je suis ton. Sous le charme, à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme, à cause de ton sein sur ma joue tourne autour de mon âme, et je tombe dans le bayou. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis tombé sous le charme, à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains. Je tombe dans le bayou. Laissons passer les heures, laissons passer nos peurs, et laisse faire, ouais. si je ne suis pas de là. Je m'oubliais, ouais, m'oublier dans tes bras. Même si je ne suis pas d'ici, je connais par cœur le bord du Mississippi. Même si je ne suis pas de là, je m'oubliais, m'oublier dans tes bras. Ouais, je veux vivre là tranquille, m'abandonner dans l'herbe fine. Ouais, je veux vivre là tranquille, me laisser aller à la hauteur périphine. Ouais, je veux vivre là tranquille, la couler douce auprès de toi dans l'herbe fine. Ouais, je veux vivre là tranquille, je serai ton. Chilou, c'est Zenzel. Dis-moi, pour le clip au bord de la mer, j'imaginais aller à Biarritz, mais que en stop. Les yeux vers le ciel, ou plutôt qu'ils s'arrêtent, ça au plafond de ma chambre. Ouais, tranquille, tu peux. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part, entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirai bien au bord de la mer. Oh, oh, oh, oh, oh, là où le goût n'est plus amer. Oh, oh, oh, oh, oh, je partirai bien au bord de la mer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, et dans ses bras j'irai me taire. Entendre le bruit des vagues étouffer doucement, ce silence inquiétant. Les pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirai bien au bord de la mer. Oh, là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer. Oh, oh, oh, oh, oh. Et dans ses bras j'irai me le cœur. Oh, oh, oh, oh, oh. Je partirai bien au bord de la mer. Oh, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux, imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux, imagine tout direct. Ça. Merci, ciao, bye bye. Je partirai bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer. Et dans ces bras, j'irai me perdre. Je partirai bien au bord de la mer. Je partirai bien au bord de la mer. Et voilà, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Romain and special guest Chloé. Hi. And we just listened to three songs from Chloé's playlist, mm-hmm. and we started with Christophe Maé, Tombé sous le charme, followed by Impala, Adèle Castillon. Such a good song. Yes, and then Au bord de la mer, which means on the seashore, by Chilou. So, well, it's almost 9 o'clock, so we'll need to do our the legal ID, and then we're going to listen to three more songs before moving on to the events in the French-speaking community in the Twin Cities. So, vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Voilà, so it is 8:59 on Tuesday night, mm-hmm. and we are live from Studio 4 at KFAI, and we're going to listen to three more songs from Chloé's playlist. Chloé, do you want to tell us what they are? Yeah, so the first song is Promets-moi, Promise Me by Angèle. This is one of her newer songs. And then an older one, still a good one, Ça ira, it'll be fine, it'll be okay, by Joyce Jonathan. And then third, we have Ce soir by Adèle Castillon and Gazou. So tonight? Yeah, and that's a brand new release. This one came out like last week. And it's really cool because Adèle Castillon, she's very poetic. She has a lighter... I mean, her songs are more dancey, but her voice is softer. And Gazou is one of the most famous rappers in France right now. Yeah. So it's a really cool mix. They really mix well. Cool. So, yeah. Yeah, and just a little thing, because I like to tell little stories about mm-hmm. the artists. And Joyce Jonathan, she's the second artist we're going to listen to in this series. She actually, she became famous thanks to it was a brand new concept. I mean, it was probably, like, I don't know, like 15 years ago, maybe even more, a concept started by Jean-Jacques Goldman's son, and it was called My Major Company. And My Major Company was a website where it's a little bit like crowdfunding now. And so some artists would actually post some of their songs, you know, like a video or just a recording. And if you thought, she or he sounds really good, you could decide to be part of the production process by forking out 100, 200, 500, 1,000 euro. And when there were enough people to, I think, reach like 100,000, then that artist could actually record an entire album. Ooh, that's cool. And Joyce Jonathan, along with also Grégoire, you know, Toi, Plus Moi. Oh, yeah. They came out thanks to that. But also Joyce Jonathan, she dated, after she was famous, she dated for a while François Hollande's son. So and when François Hollande was the president of So she was, you know, part, she had, you know, many dinners at the Élysée Palace, etc. And she said the other day, because, so she's 35, she's the age of our current prime minister. And I say current because maybe in 3 weeks that won't be him anymore. And they were in the same class when they were like in sixth and seventh grades, and they were kind of, you know, like boyfriend girlfriend when they were like 12 years old. So she dated the son of the president, and I'm using quotation marks because they were like 11. And isn't he the current prime minister? Now gay, right? Yes, whose former partner is the current secretary of state. Dang. So, that's interesting dynamics. So we're done with tonight's gossip. That was the gossip sequence of the show. That should be a new segment, actually. Oh, yes. I have to talk to Freddie and Adrien. And so we're going to start with Angèle. Promets-moi, promise me. Where's Angèle? Oh, she's here. Some really pretty vocals in this one. Yeah. C'est parti. As always. Déjà tombée la nuit, elle sera ma seule amie ce soir. Déshabillée aussi, il n'y a personne dans le reflet du miroir. Je ne te fais pas peur, tu as déjà pris mon cœur. Pourtant quand j'évoque mes sentiments, tu me fuis pendant des heures. Promets-moi que tu reviendras, promets-moi que je ne t'attends pas. C'est risqué, je ne veux plus t'attendre, non. Je suis partie, j'ai trouvé, j'ai menti, je t'en voulais. Je ne veux plus t'attendre, non. Je ne te fais pas peur, tu as déjà pris mon cœur. Pourtant quand j'évoque mes sentiments, tu me fuis pendant des heures. Que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi

seule, mais j'ai que des flashbacks. Quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac et le goût du drame. L'espoir fait vivre, c'est toujours les larmes dont je m'inspire comme un vague à l'âme. Mon corps dérive, pourquoi c'est l'orage? La nuit m'attire. Dans ce soir, je veux boire. Cette soirée, je vais sentir. Ouais, j'essaye d'arrêter. Tout stoppé, j'ai replongé. Ce soir, je vais rentrer tard. Je vais me faire du mal. J'aimerais partir. Trop tard, je veux rien sentir. Je vais me ralentir. Je me vois mourir. Mon cœur part au rythme de mes larmes. Je veux plus d'une vie comme ça. Flashback. Et quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac. Ce soir, très tard. Hey, et tu t'es fait partir. Trop tard. Non, non, non. Là, tu t'es fait mourir. Ce soir, très tard. Hey, et tu t'es fait partir. Trop tard. Non, non. Et voilà, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and which is listener supported. All the DJs here, all the program engineers are, I mean, most of them are volunteers. And so we just listened to three more songs from Chloé's playlist, with Promets-moi by Angèle, followed by Saïra by Joyce Jonathan. And ce soir, by Adèle Castillon again, featuring Gazo. We love Adèle Castillon. I do especially, but oh, yes, she's so wonderful. So let's talk about the events in the next week or so. So tomorrow, so Wednesday the 12th, from 7 to 8 at the Alliance Française, and you can go to afmsp.org for more details, but the book club, Les Navigateurs de la Littérature, is going to well, to be meeting, and the book for tomorrow is Le Parfum des Fleurs la Nuit, by Leila Slimani, who's French and Moroccan, and she actually won the Prix Goncourt a few years ago with Chanson Douce. So that's tomorrow, and you can get more details on our Facebook page, on Bonjour Minnesota's Facebook page, or if you go to afmsp.org. On Thursday, so the 13th, at the Alliance Française, at 6 p.m., from 6 to 7, Visitons Paris. Let's visit Paris. Tour of Paris with Bill Jepsen. So Bill Jepsen spent, he's gone to Paris many times, and he's coming to share photos, to share stories, anecdotes. He's a retired world historian, politics teacher at Eden Prairie High School. He has toured Paris many times since 1975, which is a great year, by the way. And he did that with students, family, etc. And he will share his experiences in Paris at the Alliance Française on Thursday. I'm not sure if there is a fee, but you can go online on same thing, either on our Facebook page or on afmsp.org. And the Alliance Française, they always like it when guests when they actually register online, so they know, you know, how many people are to be expected, etc. So and that will be again on Thursday from 6 to 7 at the Alliance Française at 227 North Colfax Avenue. Then let's move on to next week, Thursday the 20th, and we'll talk again about it on next Tuesday, and we'll have actually one of the organizers, Natalia, come and talk about it. She, I mean, with the Alliance Française, but there was also Dumont from Douala Soul Collective. They are organizing, so on the 20th and the 21st, it's La Fête de la Musique, which is called Rhythms in the North. And so on the 21st, on Friday, in many venues, Utopia's Brewery, Cider, Sociable Cider Works, the Midtown Global Market, etc. Rhythms in the North is, again, La Fête de la Musique. So there will be a lot of live shows, live performances throughout the day, not just in the evening, throughout the day, exactly like what happens in France. However, on the 20th, at the Alliance Française, there will be a special evening with with Joel Cohen, who's not from, you know, the Cohen brothers. Joel Cohen is now 81, and he was a young American musician living in Paris back in the late 70s. And he's the one who came up with the idea of La Fête de la Musique, which was then implemented in 1982 by the French culture minister, Jack Lang. But Joel Cohen is behind the whole idea. And Joel Cohen will be at the Alliance Française talking about his, well, his story and about the Fête de la Musique on stage. And I think Freddie will be there. Maybe I will be there too. I mean, you know, moderating the discussion. And that will be at the Alliance Française. He will also be performing, I can't remember if it's the next day or the day after, at Crooners. But all those events are on our Facebook page and also on afmsp.org. And again, it's always better if you register in advance. Well, we'll have time to talk about that. But on Sunday, June 23rd, the French American Heritage Foundation has their annual event, which is always very fun, at Sibley Historic House, La Fête de la Saint-Jean-Baptiste, which is the Canadian and Voyageur celebration. And that will be held again on the 23rd of June, which is a Sunday, from 1 to 5 at Sibley Historic Site, which is at 1357 Sibley Memorial Highway in Mendota. So, and we'll get to talk about it again next week. So, Chloé, yes, let's continue with your playlist. All right. So, the next three songs we have, the first one is one of my favorites. It's Il est où ton frère? Where is your brother? By Big Feu Oli. Okay, there you go. And then second one is Spider, by Gims and Distinct. Mm-hmm. I don't know. This is a pretty new song, and this is like topping the charts in France right now. And for good reason, as you will soon discover. And then third is Avec Classe, with Class, by, what's that? Corneille Aya Nakamura, who we love, and Phoenix. And yeah, what he said. So, okay. Yeah. So, we're going to start with Big Flo et Oli. Il est où ton frère? I hope you like it. I hope you like all three of them. C'est parti. All right. Hey, salut Oli, t'es là? Je sais j'écris tard, mais je sais aussi que pour toi, tard, ça existe pas. Y'a ma copine qui dort à côté de moi, je suis dans le noir, je me suis réveillé en sursaut, j'ai fait un cauchemar. Je sais qu'on est en vacances et qu'on évite d'évoquer tout ça, mais fallait que je me vide, fallait que je te parle, donc j'ai fait un cauchemar. Je sais ça a l'air bête, mais ce soir, j'ai peur que tout s'arrête. J'ai peur que tout s'arrête, frère. C'est dur à avouer qu'on retourne à la galère avec nos baskets trouées, quand nos statistiques n'étaient pas très bonnes. Tu te rappelles les concerts devant 4 personnes. Et je te vois grandir, c'est un peu inquiétant. Mais sache que dans ma tête, t'auras toujours 7 ans. Au fond, ça me fait peur et j'ai du mal à l'admettre. Y'a pas si longtemps, tu râlais pour me piquer la manette. C'est fou comme le temps passe vite. J'ai du mal, on faisait du vélo sur les bords du canal. Je t'ai tout appris jusqu'à faire tes lacets. Ça plaît pas à ma copine, elle dit que je te vois assez. On a fait les 400 coups, on écoutait les mêmes morceaux en boucle. Et c'est vrai que parfois on faisait des crasses en douce, on traînait aux alentours. Et les potes ne sortaient pas sans nous, on faisait des vœux à deux sous la grande ours. Non, on n'aimait pas les cours, on accompagnait papa faire les courses. On faisait des batailles de coussins et de pantoufles, toujours collés comme des ventouses. Et j'ai croisé ce type qui m'a dit, le troisième album on l'attend tous. Heureusement que t'es là quand je suis flemmard, je veux pas sortir du plumard, que mon désespoir m'entraîne au plus bas. C'est toi le moteur, c'est toi qui amène la rage. Si t'es le feu, moi je crois que je suis la glace. C'est bien les vacances mais vivement que je rentre. Ça se dit pas entre frères mais franchement tu me manques. Et j'entends le bruit de la houle qui anime la mer. Il me rappelle celui de la foule quand on fait des concerts. Ici je croise des gens qui me reconnaissent, ça fait bizarre, même à l'autre bout de la terre. Et chaque fois, ils me répètent cette même phrase. Ils me demandent, il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Mmh, il est où ton frère? Frérot, j'espère que tu kiffes tes vacances comme il faut. Impossible de t'oublier, ici tout le monde m'appelle Big Flo. Et je profite de la pause, je pense à autre chose. Mais le studio manque, je suis qu'un accro sans sa dose. Deux semaines avec les potes, sur la côte ça faisait des années. On s'organise, on fait des plannings qu'on suivra jamais. Je me suis isolé pour t'écrire tout ce qui se passe pendant que les autres dorment, hier ils ont pas bu que la tasse. Frérot, je te saoule, une overdose d'affection. Faut que je prenne mon envol, que j'arrête mes putains de questions. Je le vois que t'en as marre de mes complexes et de porter mes faiblesses quand je te refile mon stress. Mais je suis le petit frère, faudra s'y faire. Je fais des erreurs, ouais ma vie est un mystère. On voit plus la famille, le temps est compté. Un jour on ira en Argentine pour tout leur raconter. Parfois je m'inquiète, j'espère que t'es vraiment heureux. Tu nous dis pas grand chose, alors je fouille au fond de tes yeux. T'es mon exemple, à tes côtés j'apprends encore. Comment tu stockes autant de talent dans un si petit corps? T'es le grand frère, donc si j'y arrive pas, tu m'aides et tu me protèges de ceux qui m'en veulent. Mais va pas croire que t'es le meilleur à FIFA. Je fais juste semblant de perdre pour pas que tu m'engueules. Et si tout s'arrête, faudra pas déprimer. Putain, qu'est-ce qu'on aura kiffé, on pourra respirer. C'était pas prévu tout ça, c'est toi qui me l'as dit. On reprendra notre place dans le calme de la vraie vie. Je nous revois dans le jardin, on n'avait pas l'âge. On rêvait de voyage, on grattait des pages, on chantait nos refrains. On était maladroits mais au moins honnêtes. Et le temps passe vite, regarde nos gueules sur la pochette. Je t'écris mes réflexions, j'ai invité tout le monde au resto. Maintenant je peux payer l'addition. Tu m'as dit d'assumer mes défauts, d'embellir mes lacunes. Mais quand j'hésite dans ma vie, tu me rappelles qu'on en a qu'une. Ici y a des Français qui m'ont reconnu, un groupe de potes qui était là à nos concerts. Et c'est drôle, parce que dès qu'ils m'ont vu, ils ont crié, il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Les demi-frères, les demi-sœurs, les seuls qui sont là quand t'es seul. Ouais, c'est mon frère. Mon frérot. Mon frérot, c'est mon frère. Mon frérot. Mon frérot, c'est mon frère. Mon frérot. Mon frérot. Il est où ton frère? maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes noires quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. On y va. Je suis en business class. Choqués Dubaï, boté, casac, plein de cash. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Ils sont envoyés au coaché, flamme. Je pose des milliers à LV, banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie. Ah, Hayati. Ah, je n'ai vu que toi, Habibi. On y va. Chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt. Oh, on n'habite pas la cité, elle va chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, oh, chambouler leur intérêt. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec toi que jamais si tu permets. Crois-moi, car c'est ta place qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec toi que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec toi que ça marche à chaque fois. Le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence quand on sait que ça pile l'arrête. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. c'est très sincèrement que je te choque, c'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit et c'est avec classe que je te désire, mais dans respect. En tout cas, c'est avec classe que ça marche à chaque fois. KFAI is proud to present Isaiah Collier at the Dakota on Sunday, June 16th. Jazz artist Isaiah Collier is a musical virtuoso in the truest sense of the phrase, and his sound is a dynamic flurry of metaphors, yet he can hold back when necessary. With his saxophone, he plays his influences, which he describes as a sonic time machine. Opening the show is local trumpet player Omar Abdul Karim. Tickets for Isaiah Collier and the Chosen Few can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, we are back after an announcement, and we listened to three songs from Chloé's playlist, with Il est où ton frère by Big Flo et Oli, followed by Spider, The Gims et Distinct, and Avec Classe by Corneille, Aya Nakamura et Trinix. So we're going to listen to three more songs. I think they are the last three from Chloe's playlist, even though Santa, she wanted me to put it on the list as well. So so what are the last or the next three songs, Chloe? Yeah, so the next are Nos Mains by Jean-Jacques Goldman, Our Hands, and this is the live one. That I yes I was there, and that was during Jean-Jacques Goldman's last and final tour in 2002. So I like grew up listening to his songs, but like just the live version. So and I listened the to very, the yeah go ahead. Sorry. I was just gonna say when I was like finding songs for the playlist, and I was like, oh, this one's kind of fun to put in, and I listened to the like normal version. I was like, this sounds so different. So I'm glad you got the live in there. Yeah, and the song is at the very beginning of I think like the third title of the concert, and that's when actually the band shows up. I feel like that would have been a cool concert. Oh, it was. Second song we have Facile. Easy by Camilla Jordana. This is one we discovered a couple years ago, and then in our car we've been listening to old songs, and this one came up, and I was like, this one would be cool to put in, kind of summery. And then this third one is not me who put this in. This is my dad. No, not Carbone. You did. I did? Yeah. Oh, wait, you're right. This is me. This is like number one in the charts in France. Yes, and I didn't know Carbone. I didn't either. I was looking at Top 50 France, trying to find something, some new songs, and I was like, hey, this is really good. So this is Imagine by Carbone. And that's it for now? Yeah, those are the three. Okay, and we're going to listen to a couple more announcements, and then we're going to listen to Jean-Jacques Goldman. Enjoy. À plus tard. C'est parti. KFAI is proud to present Music on the Courtille at the Landmark Center in downtown St. Paul. Music on the Courtille presents live performances by talented local musicians, taking place over four Wednesday lunch hours this summer. All concerts are from noon until 1 p.m. Attendees are encouraged to bring their lunch and to enjoy the concert. Performing on Wednesday, June 26th, is Nolan Selwood, a young artist with an old soul. and a newcomer to the Twin Cities music scene. His beautifully crafted singing and songwriting skills are captured on his debut album, Otherwise. More information for Music on the Courtille concert series can be found at the Landmark Center website. Visit www.landmarkcenter.org. Welcome to the 21st century. Ugh. We were promised a utopian world with jetpacks, flying cars, and time machines. What we got is... Please listen closely as our menu options have changed. And... unexpected item in banking area. Thankfully, KFAI has changed and hasn't. KFAI still brings you the coolest mix of music from around the world that you won't hear anywhere else. And you can listen, live stream, or download the programs you want on anything from your radio to your smartphone. Whether you're on the go or just lying on the couch. Insufficient movement detected. Have you taken a bad fall? Notifying emergency services. KFAI, non-commercial community powered 21st century radio. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. On essaye. Sur une arme, les doigts noués. Pour agresser, serrer les poings. Mais nos paumes sont pour aimer. Y'a pas de caresse en fermant les mains. Longue et jointe en une prière. Bien ouverte pour acclamer. Dans un point, les choses à soustraire. On ne peut rien tendre, les doigts pliés. Quand on ouvre nos mains, on suffit de rien n'y voit rien. Suffit d'une ou deux secondes, à peine un geste, un autre mot. Quand on ouvre nos mains, mécanique simple et facile. Des vénites, mit un carpien. Des phalanges au tendon docile. Et tu relâches ou bien tu retiens. Et des ongles faits pour griffer. Pousse au bout du mauvais côté. Celui qui menace ou désigne. De l'autre on livre nos vies dans des lignes. Des champs de bataille en jardin. Oh, le courage du signe indien. Un canot d'hier à demain. N'est qu'un instant d'innocence. Un geste de reconnaissance. Quand on ouvre comme un écrin. Oh, oh, oh, oh. Quand on ouvre nos mains. Oh,

J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses peaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des quais de métro. À deux sur la moto, j'étais haut. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Au début elle m'a rionné, quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer, je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'air la manière, c'est ma folle pas la ma cavalière. Sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine. Et voilà, voilà. We are back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Chloé, our special guest for the evening, and myself, Romain. Yes. But next week, Freddy will be back. And I don't know if I'd be able to be on the show next week because we have friends visiting from Italy. We do. Yes. And so that's exciting. One of Chloe's best friends. So so we listened to three songs. Jean-Jacques Goldman with No Main. And that's the live version from 2002. Sorry. Then Facile by Camélia Jordana. Yeah. And the last one was Imagine by Carbone. That's that really last good. One's very summery. Yes. I really like that one. There's... Good. No question why it's number one in France right now. Good choice. Thank you. Chloé. Then we're going to listen to three more songs. One that's been a really big hit in France and for the past... Yes? Yeah, ahead. I was just going to say, well, we quote-unquote rediscovered it because on The Voice we're watching the final. Yeah, the French version of The Voice. And she sang with one of the finalists. Yeah. So... Anyways. So that's Santa with Popcorn Salé, yep. Salty or savory popcorn, followed by Michel Jonas. And that's a really beautiful song about vacation on, you know, at the beach. Les vacances au bord de la mer, vacation on the seashore. And that's an older song. And the version we're going to listen to was live at the Olympia in Paris in 2000. And then the next song, the last song of the series, is actually part of the top 50 right now in France. And it's a collaboration between Ben Mazoué and Jérémy Frérot. And that's called Gaffe aux autres, Beware of the Others. Oh, okay. Yes, so we're going to start with Popcorn Salé by Santa. Which is truly a beautiful song. Yes. It's really pretty. And it's really one of the big hits of the moment. Yeah. Well, I really like her voice. And we listen to her from time to time. Yeah, well, this song came out in 2022 and it's still, like, popular. Yeah. It's still a song that people like. Me included. Mm-hmm. Eh ben, c'est parti. All right. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro. pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du Before we listen to the next song, or two songs actually, before Balkan Jamboree with Elmar, because Nikolai is not here, so he's also on vacation. Okay. We just wanted to say bonne nuit, yes. Bonne soirée, au revoir, au revoir, and gros bisous. You can. You can listen to us also on archive.org, and our show is recorded and starting, I think, like tonight or tomorrow morning, the show will also be archived on kfai.org. So you can listen to us again and again and again. Probably skip the first 30 minutes of us having issues. Again, our apologies for what happened at the beginning, but it worked out in the end. That shows that one, that we are humans; two, that we're live. Yes. So bonne nuit, and we'll be live next week, next Tuesday, from 8 to 10, live from Studio 4. Au revoir. Au revoir. On allait au